ce n'est qu'une toga. Ouais, c'est toi qui me regarde, non, c'est toi qui me regarde. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Quoi, c'est toi, qu'est-ce qu'il y a? Quoi, c'est moi, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est toi, qu'est-ce qu'il y a? Quoi, pourquoi tu me dis quoi? Quoi, c'est toi qui dis quoi? Quoi, c'est moi qui dis quoi? C'est dingue, c'est dingue. En tout cas, les amis, si jamais vous aimez bien les setups et tout, n'hésitez pas à mettre un gros like. Au total, setup, PC, caméra, matériel, tout, tout, je suis plus à 50 000 à peu près. 50 000 euros ouais. Mais mec, t'es sérieux? Mais mec, regardez, mais regarde la taille de ces écrans. À ce tarif-là, surtout pas question de passer inaperçu. Et ça, ça vient de notre conditionnement qu'on nous a appris depuis qu'on est petit, parce qu'on a toujours appris ça et toujours appris ça, mais au final, on se retrouve toute notre vie à courir après. De l'argent facilement. Les bovidés, si tu sais pas, c'est la famille qui regroupe les bœufs, les moutons, les antilopes et donc le saola. Sauf que, contrairement aux bovins que tu vois partout, bah, le saola, lui, il a quasiment disparu des radars. On est même passé très proche de l'extinction totale à plusieurs reprises au cours du 20e siècle, malgré des programmes pour sa préservation entamés dès les années 1890, il y a 125 ans. La raison à cela, c'est comme s'il s'agissait d'une guerre perpétuelle entre la civilisation humaine et ce qu'il reste de sauvage. Les oiseaux chantent paisiblement. Ah. Mais c'est aussi le retour de la chasse.